Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette nouvelle édition de Sans pleurer sans reproche. Nous sommes le 2 juin. C'est la numéroté 1363. C'est une émission un petit peu spéciale parce que je reprends un petit peu le direct de temps en temps. Je reprends le direct quand il y a un invité que je veux absolument interviewer dans les studios de Galaxy Radio. Ce soir, c'est SH Valditch de Noir Moritor. Son album Control n'était ma sélection de la semaine pour ce lundi. On vient de s'écouter le sublimissime Corps perdu. Mais Valérie va vous en parler bien mieux que moi tout à l'heure, vers 20h45, 20h50 pour son interview. On retrouve notre sélection d'il y a deux lundis, c'était le superbe Morse Nobis de My Love Kills. C'est le dernier album de ce duo franco-suédois, composé de Frédéric Sijbach et du Vicomte Arkames. Cet album est sorti le 23 mai dernier chez Progress Productions et il marque la fin d'une aventure musicale entamée en 2019. Morse Nobis est une synthèse sombre, intense, d'un univers EBM et Dark Electro. C'est un album avec 9 titres qui font état de la culpabilité, de la rédemption, de la finitude. Le chant français rend formidablement bien. Et pourtant, des fois j'ai du mal avec ça, mais pas sur cet album. C'est disponible en CD chez Progress Productions. C'est une formidable conclusion à la discographie de My Love Kills. Je tire mon chapeau à ce duo incroyable et on peut les remercier grandement pour leur travail aux atmosphères terribles. On s'écoutera le morceau aux fins dernières, puis on continuera avec le label Progress Productions. Podrick. Salut, c'est Arkames de My Love Kills. Et vous écoutez sans pleurs et sans reproches sur Galaxy Radio. Yeah. premier venait My Love Kills avec le morceau Aux fins dernières de l'album Mors Nobis. C'est sorti le 23 mai dernier chez Progress Productions. C'est le dernier album de My Love Kills. Merci encore à Frédéric et Arkames pour ce travail de dingue. Juste après, c'est aussi sorti le 23 mai 2025 chez Progress. C'est le sixième album de Lucifer's Aid. Il s'appelle Enter and Exit. Sorti chez Progress, donc un label où il reste fidèle depuis 2016. C'est un projet suédois mené par Carl Nilsson. Et sur cet album, il propose une autre mixture. C'est moins BM classique, pourrait-on dire. C'est de l'avantage quand on veut se renouveler, ne pas fatiguer son public. Et c'est chose réussie. Cet album a failli passer en sélection de la semaine, mais l'agenda est vraiment, vraiment chargé. On s'est écouté le morceau Feeling Numb, qui me rappelle un petit peu l'énergie de Frontline Assembly. Et c'est pas pour me déplaire, évidemment. Là, juste à l'instant, c'était Auto da Fé avec One Step Forward en Equinox Remix. C'est extrait du EP qui s'appelle Fast Lane. C'est sorti chez Scanner Dark Dimension. C'est une relecture du single original sorti en 2024. C'est sorti en format numérique, bien sûr, sur Bandcamp, mais aussi en version vinyle 7 pouces, limitée à 100 copies. Et tout ça aussi pour rappeler que leur album Grid a été diffusé en sélection de la semaine. C'est vraiment un super album également. J'ai fait une doublette Progress Productions. Ben là, je vais faire une doublette Metropolis Records. On commencera avec Dawn of Ashes, le morceau Infecting the Scars. C'est la plage titulaire de cet album qui sort chez Metropolis, donc. Sa sortie est prévue pour le 6 juin. Le groupe y revient à ses racines, on va dire, agrotech, en explorant la douleur mentale à travers 10 titres sombres. Le déménagement du groupe au Danemark y est peut-être pour quelque chose. On y retrouve aussi une collaboration avec Alien Vampire sur le morceau Bonesaw. C'est disponible en CD, il s'adresse aux fans de Dark Electro Extrême. Le visuel et l'ambiance sonore restent fidèles à l'univers visuel macabre de Christophe Bathory. On continuera avec un remix de Bill Leb, fait par son pote Riesfelber, et on terminera par Max Rael. this is Bill Lieb. Hello, this is Reese Fulber from Frontline Assembly, and you are listening to Sampler and Sans Reproach on Galaxy FM. We'll be right back. Avec The People We Love Have Won. Persistence Is All. C'est extrait du single qui s'appelle Brighter Future. Et ça sort chez Liquid Land Recording Company. C'est donc le nouveau single de Max Rael. C'est un artiste britannique connu pour son travail avec History of Guns. Son nouveau single, c'est un morceau qui sonne rétro, inspiré des années 80, mais je préfère la phase B. Donc ce The People We Love Have Won, plus sombre et qui rend hommage à un concert de Coil qui a été donné en 2000. En tout premier, Dawn of Ashes, avec la plage titulaire de l'album Infected de Scars, et ça sort chez Metropolis Records. Doublé Metropolis, donc, avec un morceau de Bill Lab, le Neuromotive, c'était le Stax Remix par son pote Rhys Fulber. Extrait du futur EP qui va s'appeler Machine Vision, qui va paraître au mois de juin, au mois de juillet, sur Metropolis Records. écoute, il est temps de retrouver notre artiste de ce soir et on fait un petit break. Oui, je le disais, c'est un artiste à part dans la scène électro-industrielle et en plus il est de la région Hauts-de-France. Il s'appelle SH Valditch et nous avait fait l'immense plaisir et l'honneur de venir dans notre émission en 2016 avec son projet Power Politics pour son unique album The Indistinction Field. J'ai toujours autant de mal à le dire, hein, t'as vu ? Moi aussi. Cette année 2025, il présente un nouveau projet tout aussi extraordinaire dans le sens où la musique qu'il produit ne ressemble à aucune autre ou presque. Vous avez pu sentir la noirceur, la beauté cruelle et froide du premier morceau diffusé qui s'appelait Corps perdu. Ce morceau me fait chavirer pour la première écoute. Et ce soir, on reçoit donc Valérie pour Noir Moniteur. Salut Valérie. Salut. Salut Walter. Merci d'avoir fait le trajet de ta côte d'Opale jusqu'ici. Merci. Un sacré trajet. Mais t'es bien accompagné. Hein, Bien accompagné ce soir. Il n'y a pas de problème. C'est un grand plaisir d'être ici déjà. Quand on s'est contacté sur l'album de Noir Moniteur, t'as tout de suite flashé et ça m'a fait vraiment plaisir. Comment tu veux que j'évite ce flash avec Coup de Control? C'est quoi l'origine du nom de Noir Moniteur? En fait, l'origine du nom, au départ, Noir Moniteur, ça existe depuis 3 ans. En fait, notre formation existe depuis 3 ans. On est deux, Marie et moi. On avait un autre nom au départ, mais on s'est rendu compte que ça collait pas vraiment, au bout d'un an d'ailleurs. Et Marie a un blog, parce qu'elle écrit, c'est elle qui fait tous les textes, effectivement. Et sur le blog s'appelle l'Observatoire de la fin du monde. Et j'aimais vachement le titre de son blog, le nom de son blog m'interpellait, quoi. Et je suis resté bloqué sur l'observatoire. Je l'ai traduit et je me suis rendu compte que j'avais des moniteurs effectivement en face de moi tous les jours pour travailler les morceaux. Et là-dessus, on est parti sur Monitor. Et Noir, c'est venu. C'est venu naturellement. La petite touche française, Noir Monitor. Ouais, effectivement, ouais. Donc tu étais passé en 2016 avec Power Politics. Tout à fait. Pendant ces 10 ans ou presque, tu as travaillé sur d'autres projets que Power Politics ou Noir Moniteur? J'ai fait des morceaux, mais il manquait toujours quelque chose. Et ce qui manquait en fait, c'était des textes qui tiennent le coup, quoi. Et puis quelqu'un pour les interpréter, parce que je t'avoue que tout faire, ça me prenait trop de temps en fait. Oui. En me concentrant sur la musique et en laissant faire quelqu'un d'autre sur toute la partie texte et chant, ça m'a permis justement de travailler plus vite, de pas me lasser en fait de mon travail, quoi, d'être plus rapide et finalement d'aboutir à quelque chose qui est, tu vois, qui passe simplement un projet perso, qui est vraiment un truc de groupe en fait, où t'as un échange et en fait tu vas plus vite et tu te rends compte que tu fais des choses qui sont meilleures, quoi. Et le chant et la musique, quoi qu'on dise, c'est deux métiers différents aussi. Totalement. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on travaille de manière. On sait tous les deux que, effectivement, c'est Marie qui écrit, c'est moi qui fais la musique, mais on a le droit d'interférer dans le travail de l'autre, en fait. C'est-à-dire que. Elle écrit très. Cette complicité qui fait que. Oui, tout à fait. Elle écrit très vite. Donc en fait moi j'ai le choix. Alors je prends ce que je veux. Donc ça c'est vraiment du luxe. J'ai 20 textes, j'en prends 10, quoi. Et de son côté, elle, si par exemple, tu vois, il y a un son, une rythmique ou un truc qui la dérange, elle va me le dire et moi je vais le changer. Alors c'est parfois un peu compliqué pour moi parce qu'il faut que je me rende compte déjà de ce qui va pas et aussi de ce que je vais faire après. Mais c'est beaucoup plus gratifiant de travailler en groupe, ouais. Et tu pouvais pas continuer sous le nom de Power Politics? Non, c'était pas possible. C'était en fait Power Politics, c'est vrai, c'était vraiment un projet qui était ultra personnel. Et je pouvais pas garder ce nom-là, c'était pas possible. Par contre, le nom de Noir Monitor, lui, il va rester parce que on est déjà sur le prochain, en fait. Le petit Maxi, là. Le petit Maxi dont je te parlais. Et qu'il fallait pas. Non, il fallait pas. Si, si, on peut le dire. De toute façon, t'en auras la primeur, donc je vais te dire. Ah non, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut espérer une sortie CD de contrôle? Alors, ça, on en a discuté, mais je t'avoue, on a balancé sur Bandcamp le 10 mai. C'était vraiment une course contre la montre, hein, parce que effectivement, comme on a tout fait ensemble, à la fin, les morceaux, on les connaissait peut-être un peu trop. Mmh. Et bon, la production, j'ai assuré la production. Donc le mixage, le mastering, c'est quand même beaucoup moins créatif que de composer, hein, soyons clairs. Et au bout d'un moment, on était pressés, on était très pressés. J'avais sorti le Power Politique sur Bandcamp et je sais que c'est une, ouais, franchement, c'est une super plateforme. Ouais, c'est une super plateforme parce que tu peux envoyer le volume que tu veux. Donc l'album est pas trop compressé au niveau Ward, Guerre du Loudness, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est suffisant. T'as différents formats en plus, tu peux laisser le format originel. Ouais, tout à fait, ouais. Tu peux télécharger dans n'importe quel format. Et franchement, c'est vraiment une plateforme honnête. Donc, on a fait ça. Après, effectivement, sur l'objet, moi, je me suis demandé, hein, j'écoute la musique complètement dématérialisée. Hein. Ouais. Okay. Ouais, complètement. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est le son. Donc, quand je joue sur un de mes synthés ou même sur ma basse, je suis pas en train de la regarder, quoi. J'écoute ce que ça fait, en fait. Donc, ça me fait rien, mais je sais que j'ai des potes qui sont fanatiques de vinyle, par exemple. Je comprends. Je pense qu'il y a un moment pour tout. Il y a peut-être un moment dématérialisé, genre voiture, machin truc. Ouais, ouais. Et petit apéro, moment vinyle. Ça fait du bien quand même. Bah, c'est exactement ça, en fait. Je comprends la fascination pour l'objet vinyle, en fait. C'est vraiment, effectivement, c'est un sacré truc. Mmh. Tu sors un vinyle. Après, c'est un mastering particulier. Oui, carrément. Les fréquences ne sont pas les mêmes. C'est clair. En dessous de 50 Hz, tu n'as plus rien. Exactement. Ouais. Alors, le CD... Marie achète des CD encore. Moi, j'en achète plus. Mais ouais, pourquoi pas. Je suis ouvert à tout. Hein. De toute façon, comme je te dis, on discute, on fait évoluer le truc... On va revenir un petit peu à Contrôle, qui est là. J'ai l'objet de ta visite ici dans tout le studio Galaxy Radio. Allez, je te file 2 minutes 42 pour le résumer cet album. Il a commencé avec le morceau Contrôle, justement, qu'on a fait comme ça en un après-midi. Au départ, on faisait des trucs plus légers, clairement. C'était une sorte de punk électro. Et un jour, j'étais au synthé, elle avait un texte, j'ai joué un truc, et puis on a enregistré. Et quand on l'a réécouté, on s'est regardé, on s'est dit, ouais, ben on va faire ça, en fait. Ça matche très bien. Ouais, ouais, on va faire ça. Et après, on a choisi des textes, on a commencé à bosser, et puis répète, compo... Ouais, ça a pris 2 ans, le tout. Et le chant est beaucoup en français. Ouais, il y a beaucoup de français. Une superbe touche d'ailleurs, ça donne dans l'originalité en plus. Ah bah, le français c'est très froid, en fait. Oui, exactement. Le français c'est très froid. C'est ce qu'on voulait faire, et de toute façon, il y a 10 ans, je te disais la même chose. Moi, ce que je fais, c'est du froid. C'est tout ce qui m'intéresse, c'est ça. Faut que ce soit très froid. Les textes de Marie sont très sombres. Donc froid et sombre, effectivement, ça donne un disque habité, je dirais. Carrément. Et au niveau musique, toi, tes influences sont les mêmes que sur Power Politics? Ouais, je vais pas changer, mais bon, il y a des nouvelles choses, hein, qui se sont greffées quand même. J'ai redécouvert Depeche Mode. Ouais. Ça s'entend pas là sur. Ça s'entend pas, et pourtant. Mais alors, à chaque fois, c'est comme ça. C'est tout le temps. En fait, j'essaye de faire un truc et je fais autre chose. Mais bon, bah voilà. Après, je suis content du résultat. Hein, mais c'est vrai que. En fait, j'ai réécouté Dépêche Mode pour le. Je voulais faire des chansons et pas des morceaux. C'est-à-dire, je voulais faire des trucs qui soient quand même un minimum au service du texte. Et dans ce cas-là, tu pars pas sur. Sur du sound design ou de l'expérimental, tu fais une chanson. C'est-à-dire, tu pars sur une gamme, tu changes d'accord. Enfin, c'est vraiment un travail à l'ancienne, je dirais. Mais vu que j'ai quand même un passé très industriel, où j'ai fait beaucoup de sound design, ça se marie en fait, ça se lie et ça crée quelque chose qui est pas tout à fait de la pop. On en est loin en fait, hein, mais je te dis, de pop, hein, non, ouais, je sais, mais pour dépressif peut-être. Ouais, de la pop pour dépressif, ouais, peut-être bien, ouais. Mais c'est vrai que je pars sur des trucs où j'ai une idée, tu vois. Mais en fait, c'est pas ça, quoi. Enfin, le résultat, c'est jamais ce que j'avais prévu au départ. Mais je suis content. À la fin, je suis content quand même, donc ça va. Et dans cette balance, tu te sens plus électro ou industriel? C'est la question qui tue, ça. Tu reviendras? Ouais. Si je te dis les deux, c'est pas une réponse. Ouais, je pense que t'es plus électro avec une ambiance industrielle. Cette ambiance oppressante, parce que ouais. Ton trait musical, c'est ça, c'est vraiment l'oppression. C'est. On est entouré par ce morceau, on sait pas trop sortir, on se demande quand est-ce que ça va péter. Enfin, surtout sur Power Politics d'ailleurs, je t'avais dit il y a 9 ans. Et ça continue cette lourdeur. Ouais, c'est très lourd. Le disque est. Disons qu'on n'a pas fait semblant, quoi. Mm-hmm. C'est comme en fait, on a vu un film. C'est-à-dire que toutes les chansons sont des histoires, en fait. Il n'y a rien de personnel, hein. C'est des récits, quoi. Et en fait, mis bout à bout, effectivement, toutes ces histoires, quoi. Tu peux te faire un film. Donc c'est assez visuel et c'est un film assez sombre. Ouais, carrément. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Noir Monitor? Pas mal de followers sur Bandcamp, des gens qui viendront à nos concerts. Tu veux en faire? Ouais, c'est prévu, ouais. Ah, bien. Ouais. Parce qu'il y a un troisième groupe qui s'est joint à nous. Parce que Marie, elle est totalement anonyme, c'est son souhait. Elle veut le rester, ouais. Elle veut le rester. Et en fait, on a fait la rencontre de Jade, avec qui je travaille là sur les nouveaux morceaux d'un EP, en fait, un 5 titres. Et on est complètement raccord tous les trois, quoi. On veut vraiment la même chose pour Noir Monitor, quoi. Ben, tu t'annonceras les dates, hein, parce que. De toute façon, Walter, c'est. Enfin, je te les envoie d'abord. C'est clair. Trop d'honneur. Voilà, écoute. Noir Monitor, Control, c'est peut-être. Comment dire? Présomptueux, mais c'est. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre dans le genre. Et c'est je te fais pas de la lèche, hein, je te l'ai dit. Je t'en remercie, ouais, tu me l'as dit. J'ai ouais. Ton truc, je dis, oh, encore perdu, oh, ça y est, allez, je suis plongé dedans, c'est bon, je peux pas ressortir. Allez, j'écoute le reste, mais ça y est, je suis prisonnier, quoi. Donc bravo pour ce tour de force, parce que c'est pas souvent que ça arrive. Je t'en remercie beaucoup, Walter. Là, on s'est écouté Corps Perdu en tout début d'émission, et on va s'écouter La Nostalgia. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce morceau? Alors. Nostalgia, c'est le morceau le plus EBM pour moi, parce que la basse, elle est 2/4 de esque à fond. Ouais. Elle a été faite avec un SEM, c'est un synthé analo très brutal. De toute façon, il n'y a que de l'analo, hein, sur l'album. Pas du tout PC, tout ça. Si, pour enregistrer, mais tout est du hardware analogique. Je voulais un son comme ça. Et c'est le seul morceau où c'est moi qui ai demandé à Marie d'écrire un texte sur un thème précis. C'est-à-dire le mec qui regrette, quoi. Qui regrette le passé, en fait. Il regrette ses conneries ou... Ah, il regrette toutes les conneries qu'il a fait parce qu'il s'est bien amusé, en fait. Bah écoute, on va s'écouter donc ce morceau Nostalgia. Et tu le sais, je suis un petit peu nostalgique, donc on va se refaire un petit Power Politics pour se souvenir de ton passage en avril 2016 ici. Tu me l'as dit, ouais. Avec un Oral Neck. Si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas. Moi, sur Oral Neck, j'ai rien à dire. J'en suis content. J'ai réécouté cet album. The Indistinction Field. Imprononçable, ouais. J'ai fait une connerie quand j'ai fait. Ça a très bien vieilli d'ailleurs. Ouais. Je l'écoute aussi parfois. Ouais. C'est difficile d'écouter ces disques. Hein. Ouais, je me doute. Ouais. C'est compliqué. Bah écoute, tu reviens quand tu veux. Tu reviens pour le EP, tu reviens pour tes dates de concert avec plaisir. Impeccable, Hector, mais bien sûr. Sans problème. Tu peux venir avec les mêmes personnes. Hein. C'est oui, avec aussi. Mes grands amis. Non, Marine. Non. Donc je salue Marine et Jérôme qui sont là avec moi ce soir. Ils sont mes amis toujours, quoi. Donc ils m'ont fait la gentillesse de venir avec moi. Bah qu'ils reviennent avec toi. Pas de soucis. Allez, c'est parti. Noir Monitor, Nostalgia, Power Politics, Oral Neck. Merci Valérie. Noir Monitor avec le morceau Nostalgia de l'album Control. C'est disponible sur Bandcamp. Je vous encourage grandement à acheter une oreille donc sur ce Control de Noir Monitor. Et juste après, c'était un petit flashback sur sa venue ici dans les studios de Galaxy Radio en avril 2016 sous le nom de Power Politics. On s'est écouté le morceau Oral Neck de l'album The Indistinction Field. Alors, trouve un agenda, pas beaucoup de dates à vous présenter. Il y en a une énorme, c'est demain, c'est pile, Public Image Limited. Avec en première partie The Jax, et ça se passera bien sûr à The Black Lab de Wascal. C'est une organisation persona grata. Et The Jax va jouer à 19h30, pile va jouer à 20h30, pile. Donc soyez à l'heure. Et persona grata qui est une immense... entreprise d'organisation de concerts, c'est elle qui avait organisé Front 242 ici au Black Lab, vous offre une place pour ce soir pour pile. Alors juste après l'agenda, si vous faites le 03 83 57 57, vous allez pouvoir gagner une place pour demain, pile The Jax à The Black Lab, organisé par Persona Grata. C'est quasiment complet, hier il restait même pas 40 places. Donc rendez-vous demain au Black Lab. Le 14 juin, il y aura Original Band à Le Bidule. C'est rue Henri Kolb à Lille. Et ils vont présenter à nouveau leur second album Alone With Myself. Et le 28 juin, il y a le Pekersefesten 2025. C'est à Isgem, près de Courtrai, avec Pink Turns Blue, Star Industry, Dear Dear, The Ultimate Dreamers, Crank, qui joue Joy Division. Et en tête d'affiche, Suicide Commando, plus une after party. Voilà, c'est quasiment tout pour l'agenda, c'est tout d'ailleurs. Et je voulais illustrer avec deux morceaux de Public Image Limited. Ça sera Sing Zini, alias Ease. Et bien sûr, on va terminer avec un tube. C'est This Is Not a Love Song. Demain, 3 juin, The Black Lab, Public Image Limited, The Jax, organisation Persona Grata. Avec les morceaux Sing Zini et This Is Not a Love Song. Bravo à la gagnante pour la place pour demain soir au Black Lab, donc Public Image Limited, The Jax au Black Lab à partir de 19h, 19h30 le premier concert, 20h30 le deuxième. C'est pile, organisation persona grata. Allez, on retrouve la programmation normale de son plan récent approche avec le groupe Gapping Gasm et un extrait de Ergospective. C'est la soirée des doublés, j'avais fait un doublé Progress, un doublé Metropolis, et là ce sera un doublé Alliance Productions. Cet album de Gapping Chasm fouille dans les archives de la scène Dark Electro des années 90, en ressortant des démos rares et des morceaux inédits enregistrés entre 1995 et 2000, par Roman Ergo Petro. C'est sombre, industriel, vous en doutez, c'est expérimental aussi. Il y a des remixes qui permettent de mettre au goût du jour certains morceaux. L'album est bien sûr disponible sur Bandcamp ainsi qu'en édition limitée CD Digipack à 100 copies, dont les 20 premières incluent une carte collector. Je vous avoue que ça fait un moment que le label Alliance Productions sort des archives sur plusieurs groupes différents, surtout Human Vault. J'espère que ça ne va pas fatiguer les fidèles du label comme moi, qui espèrent de franches nouveautés Electro Dark. On s'écoutera donc le morceau Estrange. Puis on continuera avec Deflect vs Ish, le morceau Diffuse de l'album Alive. is Ribi from Alliance Production, and you're watching SNS Air Radio Show on Galaxy Radio. tout premier Gaping Chasm avec le morceau Strange de l'album Ergospective. Et ça sort chez Alliance Production. Juste après Deflect vs Ish, le morceau Diffused de l'album Alive. Et ça sort aussi chez Alliance Production. En fait, Alive est un album live collaboratif entre les projets slovaques Deflect et Ish. Mais en vrai, c'est le même artiste, Igor Seniglia. C'est un concert enregistré le 14 décembre 2024 lors de la soirée Aliens Production Night Volume 4. L'album comprend 9 titres inédits spécialement composés pour cette performance. La production est signée Anatoly Toki Greenberg. C'est un album disponible en digital, bien sûr, comme tout à l'heure, et limité à 100 exemplaires, dont les 20 premiers sont accompagnés d'une carte numérotée à la main, tout comme pour Gaping Chasm. Et à la fin de cette séquence, j'ai voulu redynamiser tout ça avec Strickland et leur deuxième album Hommage. C'est sorti le 28 mars dernier et il rend bien sûr hommage à l'électronique body music old school avec des clins d'œil à DAF, Nice The Reb, Front 242. Il a été enregistré à la Svenska Gramophone Studion de Göteborg et mixé au légendaire Hansa Studio de Berlin. Le tout a été produit par Hans Olsson. Le groupe a évité toute utilisation d'intelligence artificielle pour privilégier les équipements analogiques pour capturer l'essence même de la musique EBM. On s'est écouté le morceau The Dutchman. Je fais un petit coucou à Manu qui nous écoute de sa Bretagne. Et je vois que le label Aliens Production t'a bien plu. Je te recommande leur page Bandcamp. Allez, on termine cette émission avec une séquence qui va démarrer avec Clank Stabile. C'est un duo fondé en 94 par Maurizio Blanco et Boris May. Clank Stabile qui se distingue par une exploration sonore particulière, allant de collage à une électropop, une électro-dark, souvent qualifiée de Clank Pop. Il vient de sortir une compilation qui s'appelle Chronique, compilation marquante de ce duo allemand. Elle est sortie le 22 avril dernier sur Anzen et ça couvre la période 2004-2013. 11 titres emblématiques tels que Math and Emotions, diffusé il y a 2 semaines, ou encore Kill All Life Forms, ainsi qu'un remix de Sonic Area. Mais pour ce soir, on va s'écouter le morceau Vertraut. Et je dédicace ce morceau à Miss Body 2015, Juliette Berlin, qui est vraiment fan de Clank Stabile. On continuera avec un groupe qui m'a bien impressionné vendredi passé à la soirée Biz de la Madeleine. C'est leur premier concert, c'est Batterie 73, je le dis en français. À la base, j'adore leur musique froide et son petit côté char d'assaut. Ça vous écrase, vous oppresse lentement. Et les deux protagonistes imposent sur scène, ce sont vraiment deux bons gaillards. Je vous conseille fortement leur premier album qui s'appelle 73 en chiffres romains. C'est disponible sur une clé USB limitée. Et je remercie Jeff pour ce très beau cadeau. C'est aussi dispo sur Bandcamp. Achetez donc cette clé USB qui vous confiera l'écoute de 73. On s'écoutera le morceau Entity. Et on continuera avec un morceau qui déchire. C'est l'ami Frankie Deblom qui s'est déchaîné sur sa dernière sortie. C'est un vrai maxi 45 tours. Ça s'appelle EFM01 pour Electro Funk Machine. Et il ne s'est pas économisé, Francky. Il a fait appel aux artistes français commuteurs dont on va passer le remix. Et millimétrique. Et il y a aussi 2 inédits. C'est un tirage limité à 100 copies dont la pochette est inspirée par un synthétiseur belge qui s'appelle le Modor. Super sortie, franchement, bravo Francky. Allez, et puis on va terminer cette émission avec Voidkampf, le morceau Poésie. Non merci. Ça me fait du bien de reprendre en direct dans les studios de Galaxy Radio. Et pourquoi poésie non merci? Parce que je peux vous dire que hors micro, l'émission de ce soir est vraiment pas poétique du tout. Et je remercie les protagonistes. Allez, à bientôt. Peut-être dans 15 jours pour un direct, sinon ce sera un non-stop. Hein. Ce sera comme ça tout le long de l'été jusqu'à la rentrée. Si on ne s'écoute pas d'ici 15 jours, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Restez bien branchés sur Galaxy Radio. Écoutez toujours de l'EBM, si ce n'est de la musique électronique. À bientôt, ciao. Sag mich halt berührt. Innerlich. Mhm. Also sie hat mich nicht nur ihr Aussehen, wie sie. Ich weiß nicht genau, wie sie denkt, aber ich. Natürlich weiß es, aber ich kann es nicht jetzt in Worte fassen, weil es sehr komplex ist, wie sie denkt. Sie hat unheimlich viel drauf, sie kommuniziert bloß nicht. Mhm. Sehr viel ist versteckt in ihr. Das rauszukriegen ist immer interessant. Und sie einfach nur zu berühren und sie zu riechen, das ist einfach wunderschön. Und mit dir zu schlafen ist auch wunderschön. War immer ein tolles Gefühl. Und ich weiß, wie sie aussieht, wenn ich mit ihr schlafe oder so. Das ist auch ein unheimlich schönes Gefühl, sie nur zu sehen. Was heißt es, Sie wollen sehen, wenn die Anke, yeah. Wie ist Anke? Was ist das, was Sie wollen? Weil ein Partner oder Partnerin suchen wir uns ja nicht als Zufall, sondern es hat ja was mit uns. Ein Gegenstück, oder? Dass uns wohl vertraut ist oder genau das Gegenteil. Man muss ja schon auch was haben von der Beziehung. Also irgendwas muss mich hier irgendwie ansprechen. Und was ist es? Wie ist Anke? Thank you. We'll be right back. 95.3 ou en podcast sur mixcloud.com. Sans pleurs et sans reproches. With Galaxy, music remains on top.